si on vit pas dans des lasses, pas de nos vies on se lasse pas et lâche pas. Pour mes gardes en bas pour tous mes lasses, car j'esprit de ma haine je me cache pas. On est pareil cousin me clash pas, envie de notre peine pété à la HK. Et sache que même si mon passé est désastre, je vais pas lâcher l'affaire. Je veux foncer comme un barque, c'est rare que et que mais comme nous reste calme. On n'a jamais été mis sur le même piédestal man, mais bon c'est saldine. On sait que la chance est radine, je voudrais bien m'y frotter mais je vois que cette pute n'est pas caline. Trop de gens qui portent la haine, peut-être je manque de charisme, peut-être qu'à la place du cœur je devrais me greffer une pile alcali. Mais non, je crois que ça va pas suffire, propose encore une idée qu'on puisse réussir. Donne-moi haut, moi l'opportunité. Ouais, on n'est pas fortuné mais on reste fort tu sais, on garde la foi en espérant un message fort du ciel. Mais t'inquiète pas, on reste fort dans la tête, garde la pêche, t'inquiète, plus fort à chaque défaite. J'ai appris les leçons à force de tomber par terre, avec les nerfs je me suis forgé un bête de caractère. On vit des choses, on essaie d'être vaillant. Combien ont vécu une fusillade saillante, combien font du chiffre avec du shit en le détaillant. La vie en rose, non c'est pas pour les croyants. Donne-moi un peu d'amour, je t'en redonnerai. Je vais pas te charmer en sifflant comme un chardon honoré. Donner la vie à cette heure si on en serait honoré. C'est pas la vie ricorée mais on voit la vie en coloré. Donne-moi des raisons, faut que je répare là où c'est abîmé. Au pied de nos convictions on reste pourtant paumé. On reste près de nos principes, au moins ils sont vrais. T'as compris, ça te permettra de ne pas sombrer. Donne-moi du respect, je te respecterai. Un homme, un vrai, ne se cache pas pour pleurer. Effleurer la mort, ça on connaît. Reconnais quand tu as perdu un proche, tu as pleuré. Donnez-moi la vérité, c'est pas tard d'illuminer. Sont-ils vraiment sérieux dans leur activité? Je t'ai parlé du vrai et du faux, du faux et du vrai. Accomplir la prière, tous on devrait. Mais t'inquiète pas, on reste fort dans la tête, garde la pêche, t'inquiète, plus fort à chaque défaite. J'ai appris les leçons à force de tomber par terre, avec les nerfs je me suis forgé un bête de caractère. On vit des choses, on essaie d'être vaillant. Combien ont vécu une fusillade saillante, combien font du chiffre avec du shit en le détaillant. La vie en rose, non c'est pas pour les croyants. Mais t'inquiète pas, on reste fort dans la tête, garde la pêche, t'inquiète, plus fort à chaque défaite. J'ai appris les leçons à force de tomber par terre, avec les nerfs je me suis forgé un bête de caractère. On vit des choses, on essaie d'être vaillant. Combien ont vécu une fusillade saillante, combien font du chiffre avec du shit en le détaillant. La vie en rose, non c'est pas pour les croyants.